Chapitre 16. Éric Vézère et ses hommes avaient quitté le campement des bûcherons sans s'attarder. À l'évidence, il n'y avait rien à attendre d'une bande d'ahuris qui, depuis des années, gâchaient leur énergie à construire une tour que les tempêtes jetaient régulièrement à bas. Ces gens avaient pris le parti de vivre en marge de toute modernité. Ne se référaient-ils pas dans leurs travaux de construction un ouvrage d'art militaire datant de Jules César? Le capitaine en était resté anéanti. Le clan des mécaniciens semblait, lui, plus intéressant. Si ces hommes ont réussi à assembler un moteur capable de vaincre la force de courant, il est de notre devoir de nous en emparer, ne cessait-il de se répéter en s'ouvrant un chemin à travers la jungle. Déshabitués des longues marches, les matelots ne tardèrent pas à donner des signes de fatigue. La chaleur moite n'arrangeait rien, il fallut s'arrêter. Dans la canopée, les cris aigus des sémiris évoquaient des ricanements. « Ils ont l'air de se moquer de nous, » gronda l'un des marins. « Ça me tape sur les nerfs. J'ai envie de leur foutre un coup de mousqueton. » Hertz l'en dissuada. Vézère lui-même se sentait mal à l'aise. Depuis un moment, il avait l'impression d'être observé. À plusieurs reprises, il avait cru entrevoir des silhouettes furtives se glissant entre les troncs, trop grandes pour appartenir à des singes. Ziegfeld, averti par un sixième sens acquis au cours d'une vie passée au service du crime, n'avait pas tardé à comprendre qu'on les avait pris en filature depuis leur entrée dans la forêt. Les types étaient d'habiles pisteurs, on avait à peine le temps de les entrevoir du coin de l'œil qu'ils s'étaient déjà évaporés dans le fouillis des lianes. « Nous avons l'air idiots, » songea-t-il avec humeur. « Nous allons bientôt nous mettre à tourner en rond avec nos grands fusils et nos gros godillots. » Il fallait se rendre à l'évidence. Hors de son sous-marin, Vézère devenait pâteau. La jungle n'était pas son élément. Il ne possédait pas ce sens inné de l'orientation qui fait les grands chasseurs. Il sortait de plus en plus fréquemment sa boussole pour faire le point. Les matelots avaient perçu le désarroi de leur chef. Ils murmuraient et ne cessaient de regarder autour d'eux, conscients d'une menace invisible. Hortz aurait volontiers pris les choses en main, mais craignait de se faire rabrouer par le capitaine. En l'humiliant devant ses hommes, il risquait de s'en faire un ennemi, ce dont il ne voulait à aucun prix. Les choses se gâtèrent avec les premiers pièges. Des fosses garnies d'épieux, des cordes tendues en travers du paysage qui libéraient des billots de bois coincés à la fourche d'une branche, des lassos qui vous enlevaient dans les airs, tel un cochon sauvage suspendu par une patte. Deux marins en furent victimes. On les releva, grièvement blessés. Vézère essayait tant bien que mal de dissimuler son affolement. Il devenait évident que les mécaniciens avaient entouré leur camp d'une ceinture défensive artisanale, mais néanmoins efficace. Ces gens-là n'aiment pas les visiteurs, grommela Ziegfeld en évitant de justesse un nouveau piège. Peut-être faudrait-il procéder autrement? Au lieu d'arriver en masse, il serait plus habile d'envoyer des éclaireurs reconnaître le pays. Une carte, même approximative, nous éviterait de tourner en rond. Il voulait épargner au capitaine l'erreur de se ridiculiser devant ses hommes. Il craignait par ailleurs que les pièges ne deviennent de plus en plus vicieux au fur et à mesure qu'on approcherait du campement des mécanos. À contre-cœur, Vézère consentit à faire demi-tour. Ce fut une retraite piteuse, accompagnée par les ricanements des singes sautillant de branche en branche. On poussa un soupir de soulagement en débouchant sur la plage aux épaves. Fourbus, les marins s'abattirent dans le sable. « Il va nous falloir quelques jours pour nous remettre en forme, » bredouilla Éric Vézère. « La vie immobile qu'imposent les U-boats ne prépare pas aux débouches physiques. Un peu de gymnastique y remédiera. » Il fut décidé que les sentinelles patrouilleraient sur la plage. Vézère, quant à lui, dormirait à bord du sous-marin pour veiller sur le trésor de la couronne. Ziegfeld prit le parti limité, même si en vérité il aurait préféré camper dans la nature à l'air libre. Par principe, il ne voulait pas s'éloigner des joyaux. « Si Vézère se sent menacé, » songea-t-il, « il ordonnera qu'on lève l'ancre en catastrophe. » Je n'aurai pas le temps de prévenir Amy puisque cette idiote a choisi de s'attarder chez les bûcherons. Vézère ne s'embarrassera pas de tels détails. Il me demandera de choisir. Partir avec lui sur le champ ou rester sur l'île avec les filles. Oui, là se situait le dilemme. Descendrait-il du U-boat pour rejoindre la jeune femme ou demeurerait-il résolument à bord afin de suivre les joyaux dans leur course autour du globe? J'ai besoin de ce trésor pour refaire ma vie, décida-t-il. Je suis trop vieux pour me lancer dans une nouvelle combine hasardeuse. Puisque je tiens la richesse, autant m'y cramponner. Je réussirai bien, d'une manière ou d'une autre, à fausser compagnie à Vézère le moment venu. Pour cela, je dois attendre qu'il relâche en terre civilisée. Amy, elle, ne souhaite pas poursuivre dans la voie du crime. Elle veut de toute évidence devenir honnête. Ce n'est pas là ma tasse de thé. Peut-être sera-t-elle plus heureuse ici, loin du passé, loin de la guerre. Quant à la gosse, à quelle place pourrait-elle prétendre dans le monde moderne? Je la regretterai. Elle commençait à me plaire, cette petite. Il eut du mal à s'endormir. Vers 1 heure du matin, Vézère vint le secouer, le Moser au poing. « On a repéré des nageurs, » haleta-t-il. « On dirait que des types se déplacent contre la coque. Venez vite. » Hortz se dressa, hagard. Les mécaniciens avaient-ils détaché un commando de plongeurs de combat pour s'emparer du U-boat? C'était le monde à l'envers. Ils grimpèrent dans la baignoire. Le capitaine fit allumer le projecteur rotatif et balaya la longue silhouette du submersible de la proue à la poupe. Dans le halo lumineux, les épaves entassées aux alentours prirent une dimension menaçante. L'espace d'une seconde, Ziegfeld se crut descendu aux enfers. « Bon Dieu, jura Vézère, ces cochons n'espèrent tout de même pas monter à l'abordage ?» Il s'imaginait déjà prisonnier d'une bande de va-nu-pieds, le U-boat découpé au chalumeau, dépecé comme une baleine sur la plage de Nantucket. C'était inadmissible. Un véritable crime de lèse-majesté. Un sous-marin du Reich ne pouvait pas tomber entre les mains d'une tribu de sauvages. Siegfried vit le Moser trembler dans la main d'Eric Vézère. « Il faudra se montrer vigilant, souffla-t-il. Ils sont chez eux. Nous les avons sous-estimés. Ils connaissent le terrain, ils ne doutent pas d'eux, ils sont motivés. » Il fut sur le point d'ajouter « Ils n'ont jamais entendu parler du Troisième Reich, de la Kriegsmarine, et Hitler ne les impressionne pas davantage qu'un singe hurleur pendu à sa branche par la queue. » Mais il jugea prudent de s'abstenir. « Il faut les étudier, les observer, » insista-t-il. « Avec votre permission, je partirai dans la jungle demain matin. Seul cette fois. J'aurai juste besoin d'une gourde, d'une boussole, d'une bonne paire de jumelles et d'un poignard. » À peine eut-il prononcé ces mots qu'il le regretta. Perdait-il la tête? Quel âge croyait-il avoir? Il n'avait plus 30 ans depuis longtemps. Il avait obéi à une sotte impulsion dans le but d'inspirer confiance au capitaine. À présent, il ne pouvait plus faire marche arrière. Durant 3 secondes, il pria pour que Vézère réponde par la négative. Au lieu de cela, le commandant du U-boat laissa tomber. « Vous avez raison, nous aurions dû commencer par là. Vous êtes un homme de terrain, vous connaissez ces choses mieux que moi. Dès que je foule la terre ferme, je ne suis plus bon à rien. » La mort dans l'âme, Hortz s'équipa aux premières lueurs du soleil. Il jugea toutefois prudent d'emporter un pistolet automatique et 2 chargeurs de rechange. Une boîte de bœuf engelé et quelques biscuits de marin, durs comme de la pierre, complétèrent son bagage. Son paquetage achevé, il se faufila hors du submersible et s'enfonça dans la jungle sans un regard en arrière. À peine entré dans la forêt, il constata en maugréant que le chemin ouvert la veille avait déjà disparu. Les herbes qui poussaient de 50 cm en 24 heures avaient presque comblé la travée creusée à coups de sabre. Il jura et se mit à l'ouvrage. 2 heures plus tard, au bord de l'épuisement, les vêtements lui collant au corps comme des torchons mouillés, il franchit l'enceinte d'un campement abandonné. Derrière la palissade de bambou se dressaient 1 trentaine de huttes, dont la plupart avaient été carbonisées par un incendie. Au centre du camp s'ouvrait un énorme cratère d'explosion, comme si une bombe s'était écrasée là. Tout autour, des débris métalliques avaient labouré le sol et s'y trouvaient encore fichés, tels des socs de charrues tordus par la déflagration. Hordes buta sur un squelette, la cage thoracique enfoncée par un engrenage noirci. Il ne lui fallut pas longtemps pour dénicher d'autres dépouilles. Elles étaient incomplètes, démembrées, comme si la puissance de l'explosion les avait réduites en miettes. Beaucoup d'ossements s'avérèrent criblés de shrapnel. Hort s'avança au bord du cratère. Il distingua, tout au fond, une masse noirâtre et tourmentée qu'il prit tout d'abord pour un aérolithe. Après examen, il comprit que cette boule métallique malaxée en tous sens était en réalité un moteur. Un moteur que la chaleur de la déflagration avait ramolli au point de lui donner l'aspect d'une pâte à modeler pétrie en dépit du bon sens. Un essai de carburant ayant mal tourné, diagnostiqua-t-il. Il s'avoua néanmoins impressionné par la puissance détonante du mélange. Il visita les huttes sans rien trouver d'intéressant. Les survivants avaient tout emporté dans leur fuite. Sans plus s'attarder, il sortit du camp et continua son chemin. Il était à bout de force et souffrait de la chaleur moite accumulée sous le couvert. Il avait l'illusion de se déplacer dans les vapeurs d'un sauna géant. « Je vais crever, » pensa-t-il. « Mon cœur va lâcher. Quel con j'ai été !» Au-dessus de sa tête, les singes ricanaient. Depuis le début de sa randonnée, il avait déjoué une bonne trentaine de pièges. Hélas, avec la fatigue, sa vigilance faiblissait. Il tremblait de tomber dans une fosse et de s'empaler sur des pieux enduits d'excréments. La perspective de finir au fond d'un piège dévoré par les nécrophages le révulsait. « Je suis trop vieux, » constata-t-il. « Il faut vraiment que je prenne ma retraite. Sitôt les joyaux de la couronne en ma possession, j'arrête cette vie de fou. C'est juré. » Un martèlement métallique accompagné de cris l'avertit qu'il approchait du camp des mécaniciens. Prudemment, il se hissa dans un arbre. Là, calé à la fourche d'une branche, il empoigna les jumelles et entama l'examen minutieux des lieux. Une haute palissade isolait le retranchement du reste de l'île. Derrière ce rempart s'étendit un paysage de baraques approximatives où s'agitait une population exclusivement masculine. De nombreux moteurs encombraient l'espace, désossés, rouillés. Hortz repéra également un complexe de cuves et de canalisations. Sans doute un alambic géant grâce auquel on distillait des carburants à haut indice d'octane, ce qui expliquait les explosions mentionnées par Gunnarsson. Les hommes couraient en tous sens, affairés. Le vacarme était assourdissant. L'air empestait la suie et l'alcool. Hortz fut impressionné par l'activité du campement et son apparence guerrière. Les ouvriers, barbus, barbouillés de cambouis, enveloppés dans des tabliers de cuir brûlé, semblaient des vikings préparant une razzia. Des sentinelles, postées de loin en loin, assuraient la sécurité du fortin. Elles étaient armées de mousquetons, de haches d'incendie et de harpons. Un fratras récupéré sur les épaves, estima Siegfried. N'empêche, en dépit de leur déguisement grotesque, ces gens-là n'entendaient pas se laisser surprendre. Ils semblaient même avoir érigé la paranoïa en système politique, ce qui ne faciliterait pas la prise de contact. Le camp occupait une large crique. Une rampe de lancement artisanal traversait la plage pour s'enfoncer dans la mer. C'était de là qu'on procédait aux essais de navigation. Sur la grève, d'autres équipes travaillaient à la construction d'un navire. Il n'en était encore qu'à la charpente, dont la forme rappelait le squelette d'une baleine. Estimant qu'il en savait assez, Hort se laissa glisser au sol. Dès qu'il fut à terre, il rebroussa chemin. Il avait rempli sa mission, certes, mais il était loin de pavoiser. Son instinct lui soufflait que s'il était parvenu sans encombre jusqu'aux portes du fortin, c'est avant tout parce que les mécaniciens l'y avaient autorisé. « Ils m'ont repéré dès le début, » songea-t-il, « mais ils ont décidé de me laisser courir afin que je prenne conscience de leur puissance. Ils veulent que j'en informe mes chefs, que je leur explique combien les mécanos sont forts et bien organisés. Combien il serait dangereux de leur chercher noise. Sur la route du retour, il fit une longue halte afin de réparer ses forces. S'approchant du rivage, il se baigna dans l'eau glacée et il lava ses vêtements qu'il mit à sécher sur une branche. Il ne voulait pas avoir l'air d'une loque lorsqu'il se présenterait devant Vézère. Je ne dois pas donner l'apparence d'un vieillard effrayé, surtout pas. C'est en prononçant ces mots qu'il réalisa soudain qu'il parlait tout seul. Il en éprouva une extrême confusion. Il regagna le U-boat et fit son rapport essayant de dissuader le capitaine d'entreprendre une attaque par voie de terre. « Ils sont nombreux, insista-t-il, retranchés derrière une palissade de rondins. » Vézère grimaça. Hort sentit que la présence des mécaniciens portait atteinte à ses prérogatives d'officier du Reich. Il ne tolérerait pas qu'on lui tînt la dragée haute. Le capitaine se pencha sur la carte de l'île que Ziegfeld venait de griffonner d'après ses premiers repérages. « Nous pourrions, commença-t-il, nous pourrions contourner cette pointe et les attaquer par la mer. Une fois dans la crique, nous nous servirions du canon pour détruire leurs installations. Il est capital de leur apprendre à nous respecter. Si nous ne leur faisons pas peur, ils s'enhardiront et tenteront de s'emparer du U-boat. Si nous détruisons leur campement, fit observer Ziegfeld, nous détruirons du même coup leurs ateliers. Ce serait dommage. D'après ce que j'ai pu voir, ils sont assez bien équipés et ils disposent d'une profusion de pièces de rechange. À mon avis, ils ont récupéré sur les épaves tout ce qui pouvait être déboulonné. Moteur, chaudière, hélice, gouvernail. Ils ont fini par organiser un véritable chantier naval, un chantier qui pourrait nous être bien utile. Sauf s'ils le font sauter au cours d'un essai, ricana Eric Vézère. D'après ce que vous avez vu, ils tentent de fabriquer du gasoil à la façon des bouilleurs de cru. Irrité, il jeta son compas sur la carte. Nous allons tout de même explorer les épaves, décida-t-il. Il ne faut rien laisser au hasard. Et puis, cela te donnera l'illusion de faire quelque chose, compléta mentalement Hortz. Le repas expédié, le capitaine rassembla une demi-douzaine de matelots armés et entama la visite des navires échoués aux alentours. Hortz les accompagna. Comme il l'avait prédit, tous les yachts et cargos avaient été passés au crible par les mécaniciens. Leur salle des machines offrait le même paysage de dévastation. Ce qui était encore utilisable avait été démonté. On avait éventré les coques pour faciliter le transbordement des grosses pièces. « Ils ont tout pillé, les cochons !» vociféra le chef mécanicien du U-boat. « Ils ont emporté des kilomètres de tuyauterie et de fils électriques. Ils ont même volé l'arbre des hélices !»« Bon Dieu !» Ils ont sué sang et eau pour réussir un coup pareil. Si certaines épaves rongées par la rouille semblaient prêtes à s'effriter dans le vent, d'autres, abstraction faite de leurs coques déchirées sur les écueils, résistaient bravement aux intempéries. Les marins eurent la surprise de découvrir qu'elles étaient habitées par des naufragés refusant tout débarquement. Un septuagénaire en peignoir rouge à brandebourg les accueillit, un fusil à éléphant au creux du coude, trois cartouches explosives plantées dans la poche poitrine. Il leur expliqua, dans un allemand approximatif, qu'ils se refusaient à poser le pied sur une île peuplée de nègres et de mulâtres. Il s'obstinait à vivre sur son yacht, tirant les oiseaux marins pour s'alimenter, pêchant à l'aide de lignes tendues à la proue. Très cordialement, il leur fit visiter son petit royaume de tôle froissée. Il avait fait naufrage 6 ans plus tôt. Les cales étaient pleines d'animaux sauvages capturés pour le compte d'un zoo des États-Unis. J'étais un grand chasseur blanc, expliqua-t-il avec fierté. En Afrique, c'est ainsi que les indigènes surnomment les tueurs de lions. Ces appartements comportaient une vitrine aux râteliers surchargés de fusils spéciaux réservés aux gros gibiers, plus spécialement aux pachydermes. Les animaux que vous transportiez sans Ziegfeld, que sont-ils devenus? Je ne pouvais pas les laisser crever dans la cale, grommela le chasseur. La puanteur aurait été atroce. Je les ai libérés. Il y avait trois panthères, un lion, un rhinocéros, un gorille mâle, six zèbres. Je ne sais pas s'ils sont encore en vie. Je n'ai jamais entendu raconter qu'ils aient causé des dégâts, mais ils se sont peut-être réfugiés dans une zone inhabitée de l'île. Vous ne pensez pas que vous seriez mieux à terre? Insista Hortz. Sûrement pas. D'ici, je domine le terrain. Je suis un tireur émérite et je dispose d'un stock de munitions considérable. Je suis capable d'éclater une caboche à 300 mètres sans lunettes de visée. Je suis donc maître du feu et du terrain. Vous êtes des soldats, vous savez ce que cela signifie. Il tint à leur faire goûter un excellent whisky de sa réserve personnelle. Il leur demanda des nouvelles de cette guerre dont il avait entendu parler par les naufragés les plus récents. Faisait-elle beaucoup de morts? Quelles étaient les dernières innovations techniques? Il se montra intéressé par l'évolution des canons et des mitrailleuses. Dans sa jeunesse, expliqua-t-il, il avait vendu des armes en Afrique et équipé trois révolutions latino-américaines dans ce qu'il surnommait des républiques bananières. Fortune faite, il avait abandonné toute activité lucrative pour se consacrer à la chasse, sa seule passion. « Revenez me voir !» lança-t-il en raccompagnant les Allemands sur le pont. « Je suis toujours content de bavarder avec des Blancs. Il y a trop de métèques sur la planète. J'espère que cette guerre sera l'occasion d'un bon coup de torchon. » Hortz et les matelots rencontrèrent d'autres naufragés ayant également élu domicile à l'intérieur des épaves. Mais c'était pour la plupart des familles d'émigrants guyanais. Ils se terrèrent peureusement au milieu du linge qui séchait et des hamacs rapiécés. Ils refusaient de descendre à terre pour les raisons précédemment évoquées, la peur des cannibales et des bêtes féroces. Ils n'entretenaient aucun rapport avec les communautés installées sur l'île. Ils vivaient dans l'espoir qu'un avion les repère un jour, et pour ce faire, s'appliquaient à hisser le pavillon de détresse tous les matins au sommet du grand mât, puis ils s'agenouillaient à la proue pour prier avec ferveur. Le reste du temps, ils ramassaient des coquillages, pêchaient et recueillaient l'eau de pluie dans des toiles huilées tendues en travers du pont. Des épaves humaines vivant sur des épaves de métal, et ces Mazikfid, effrayés par ces fantômes n'ayant plus que la peau sur les os. L'exploration des carcasses se soldant par un échec, le commando regagna le sous-marin. Eric Weser se retira dans son carré pour conférer avec le chef mécanicien. Hélas, en dépit des différents colmatages auxquels on avait procédé depuis l'échouage, le problème du moteur subsistait. Il peut nous propulser, certes, soupira le chef mécanicien, mais jamais il ne sera en mesure de nous arracher à l'attraction du courant froid. Si nous quittons la plage en l'état actuel de la machinerie, ce sera pour nous soumettre docilement aux caprices du flot et descendre vers le pôle. C'est comme si nous étions satellisés par un astre dont la gravité nous retiendrait prisonniers. Pour y échapper, il faudrait être capable d'une bonne poussée. Hélas, cette poussée, les moteurs ne peuvent plus la fournir. Il faut pourtant que nous rentrions à Berlin, gronda Weser. Nous avons un paquet à livrer. Un paquet à remettre en main propre au Führer. Les sentinelles restèrent aux aguets toute la nuit. On alluma les projecteurs à l'improviste pour illuminer la plage et surprendre d'éventuels assaillants. En vain. Pourtant, à l'aube, on s'aperçut que de menus objets avaient été volés, çà et là, d'un bout à l'autre du submersible. Un roman, une photo, une babiole fétiche, un peigne. Le plus grave, cependant, fut le meurtre de la mascotte. Cette poupée de chiffon prénommée Lily, que les marins avaient l'habitude de trousser chaque fois que le U-boat était en danger. Quelqu'un l'avait éventrée. Elle pendait au bout de sa cordelette, lamentable, vomissant ses entrailles de charpie. « Ils se sont glissés à bord, » murmura Weser, livide. « Ils se sont promenés dans tout le navire, sous notre nez, et personne ne les a vus. » Cette évidence avait quelque chose de terrifiant. Elle attribuait aux intrus le pouvoir de traverser la coque et d'aller à leur guise, invisibles, insaisissables, comme le sont tous les fantômes. Ce prodige impressionna défavorablement les matelots, déjà portée à la superstition. Certains commencèrent à chuchoter des fadaises à propos de marins morts en mer, de noyés ayant péri aux abords de l'île. On décrocha la mascotte et le cuisinier se porta volontaire pour recoudre l'horrible blessure, ce qu'il fit fort habilement avec une aiguille courbe. Hélas, beaucoup considérèrent que la poupée, souillée par l'ennemi, avait perdu ses pouvoirs protecteurs. Elle avait cessé d'être une déesse pour redevenir un simple jouet. Dès lors, il faut venger Lily devint le mot d'ordre de l'équipage.